قراءتنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه. ثم قال: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن ربوبية منه، فاعلم أن الربوبية منه تعالى، والعبادة والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوسيلة بينهم وبينه سبحانه وتعالى. قال العلماء في شرح هذا الكلام لمؤلف كتاب تجريد التوحيد المفيد، قال: فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله سبحانه وتعالى. Donc on va continuer inshallah sur la lecture du livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Et on s'est arrêté hier lorsque l'auteur dit la réalité donc de l'unicité du monothéisme, c'est que tu vois, que tu verras toutes les choses provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu verras toutes choses provenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. De façon à ne pas se tourner vers les causes extérieures et les intermédiaires. Qal, de sorte de ne pas s'appuyer, se tourner sur les causes qui sont extérieures, ça c'est la traduction de al-asbab ou al-wasa'it, ou bien les intermédiaires. Dans ce sens, il dit: tu garderas à l'esprit que le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala, est à l'origine du bien et du mal. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a tout décrété. De sorte que tout ce qui se passe dans cet univers a été prédestiné et décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur dit donc, il devient ainsi facile de lui abandonner sa confiance, de ne plus blâmer ni de se plaindre de la création, des créatures. Il devient facile donc pour le croyant de ne plus blâmer les créatures, de ne plus blâmer les autres, et il devient facile aussi également pour lui d'approuver ses décisions et de se soumettre à ses lois. Et donc ça, on a dit, ça c'est les fruits. C'est les fruits de la croyance en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. لما ذكر الأسباب والوسائط قال بعدها: فلا ترى الخير والشر إلا منه سبحانه وتعالى. وهذا يبين مرادهم بالوسائط، وأنهم يقولون إنها وسائط تسبب لنا الخير وتدفع عنا الشر، وهذه الوسائط التي تنكر، وهذه هي الوسائط التي تنكر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه سبحانه وتعالى، والعبادة والتأله من عباده له سبحانه وتعالى. Ensuite il dit dans une traduction: si ensuite on a compris cela, ce qui vient de précéder dans l'explication de la seigneurie et de la croyance en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il en est ainsi, alors l'auteur dit: sache que la seigneurie provient d'Allah et que l'adoration provient de ses serviteurs. Et on avait fait allusion à cela dans la dernière assise. Ici, il y a une clarification, une explication sur la différence entre l'unicité de la Seigneurie et l'unicité de l'adoration. Puisque Ar-Rububiyya, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est croire en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Comme le fait qu'Allah azza wa jal huwa yudabbir hadha al-kawn. Allah régit et administre cet univers. Ce qui se passe dans cet univers, comment cet univers est administré et régi, tout cela provient d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc croire en la Seigneurie d'Allah, c'est croire aux actes. C'est affirmer qu'Allah azza wa jal est seul dans la gérance de ce monde, dans la création, dans le pourvoirement de la subsistance de ses serviteurs. Donc vous avez pu constater que la croyance en la Seigneurie d'Allah est liée à ses actes. Tandis que l'auteur, regardez ce qu'il dit, ensuite il dit, pour cela il dit, « وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَعْلَمْ أَنَّ الرُّبُوبِيَّ مِنْ تَعَالَى الرُّبُوبِيَّ مِنْ أَفْعَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ والعبادة والتأله من عباده له سبحانه وتعالى. Tandis que l'adoration, ça provient de ses serviteurs. Ses serviteurs lui vouent adoration. Donc, توحيد الألوهية, الذي هو توحيد العبودية, ça, c'est lié aux actes des serviteurs. En d'autres termes, plus simplement, توحيد الربوبية هو في أفعال Rabbil Alamin, alaykum salam wa rahmatullah, c'est lié aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que Tawhid al-Ubudiyya, l'unicité de l'adoration, c'est lié aux actes des serviteurs. L'adoration qu'ils vouent à leur Seigneur. Pour cela, il est traduit ainsi, s'il en est ainsi, sache, l'auteur dit, que la Seigneurie provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'adoration provient de ses serviteurs. Donc là, on a une clarification sur la différence qu'il y a entre la Seigneurie, l'unicité de la Seigneurie et l'unicité de l'adoration. L'auteur ensuite dit كَمَا أَنَّ الرَّحْمَةَ هِيَ الْوَسِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et regardez ce qu'il va dire. Et il dit, et sache, de sorte que si on a su que la Seigneurie provient d'Allah et que l'adoration provient de ses serviteurs, il dit, quant à la miséricorde, celle-ci, elle est le lien qu'il relie, elle est le lien qui les relie à leur créateur. C'est-à-dire qu'il relie les serviteurs à leur créateur, les créatures à leur créateur. Comme il dit, كَمَا أَنَّ الرَّحْمَةَ هِيَا الْوَسِيلَ هي الوسيلة. بينهم وبينه سبحانه وتعالى. Ensuite il dit واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى غير أن التوحيد له قشران. Ensuite il dit وَعْلَمْ أَنَّ أَنْفَسَ الْأَعْمَالِ وَأَجَلَّهَا قَدْرًا. Ensuite il dit, regardez, et sache également que l'unicité d'Allah est la chose la plus précieuse et la plus honorable, ce qui a le plus de valeur. Donc l'auteur, après qu'il nous ait explicité d'une manière simple et concise l'unicité de la Seigneurie et l'unicité de l'Uluhiyya, donc il a fait allusion aux deux formes, aux deux catégories d'unicité, Ar-Rububiyya wa Al-Uluhiyya. Ensuite, il nous dit, Wa'alam, sache maintenant que les œuvres les plus précieuses et la chose qui a le plus de valeur, Tawhidullah Ta'ala. Tawhidullah Ta'ala. Il dit, c'est l'adoration d'Allah, l'unicité d'Allah. Le monothéisme pur. C'est la chose la plus précieuse. قال غير أن التوحيد له قشران. Sauf qu'il dit que l'unicité contient deux choses apparentes. Donc ici on traduit par deux choses apparentes dans l'explication de certains savants. Sinon, ici ce qui est mentionné, le terme en arabe qui est mentionné, c'est al-qishr. Ou al-qishr, c'est le singulier de kushur. Et kushur, dans la langue arabe, littéralement, c'est ce qui couvre. C'est ce qui recouvre. C'est pour cela que la peau, par exemple, d'un fruit, c'est le qishr. Pluriel, kushur. C'est souvent traduit par épluchure. Donc, souvent, dans la langue arabe, le terme, de manière familière, il est utilisé de manière familière comme étant les choses dont on n'accorde point d'attention. Des choses qui ont peu de valeur. Pourquoi ? Parce que ce qu'on retient, c'est l'oub. On a le qishr et on a l'oub. L'oub, c'est le cœur de la chose. Le cœur du fruit, par exemple. Et celui-ci est recouvert. Il est recouvert. Ce qu'il recouvre, c'est le terme al-qishr. C'est pour ça qu'on appelle, on traduit souvent ça par l'épluchure. Par l'épluchure. Donc ça, c'est utilisé de manière familière et c'est connu chez ceux qui parlent l'arabe. Le sens de cela. Mais certains savants ont dit, bien sûr, c'est pas ce sens-là qui est voulu ici. Murad al-mu'allif, ghayra hadha. Ou ghayri hadha. L'auteur, lui, ne veut pas dire ça. Il n'utilise pas ce terme-là pour sous-entendre quelque chose qui n'a point d'importance. Au contraire, puisqu'il parle du tawhid. Là, il veut citer deux subdivisions. Ou plutôt deux catégories. C'est-à-dire une chose subsidiaire ou une subdivision, il veut citer. Une chose composée de deux genres ou de deux catégories. Donc là, il va citer deux catégories. Et c'est ce terme qui a été utilisé. À savoir que l'auteur ici, c'est pas ses mots à lui. Lorsqu'il cite al-qishr, c'est un naql. Naql al-kalam. Ici, il fait un naql. Sauf que souvent, on a dit qu'il transmet des paroles de l'imam Ibn Qayyim. Souvent. Dans son livre, Tajrid al-Tawhid, dans son écrit. Sauf que là, c'est un naql d'un autre livre. D'un autre kitab. D'un autre auteur. C'est pour ça que dans l'explication, à ce moment de l'œuvre, dans l'explication, beaucoup de savants ont dit d'avoir utilisé ce terme qishran, qishr, fiha nadar min nahiyat al-ma'na. Par rapport au sens, il y a réflexion à faire. Et certains savants, dans leur explication, ont dit l'utilisation de ce terme ne convient pas à ce moment-là. Ne convient pas à ce moment-là. Malgré que le sens voulu, c'est pas ce qu'on a cité précédemment. Malgré que le sens voulu, c'est pas le sens qu'on vient d'expliquer dans le sens épluchure. Ou choses qui n'ont pas de valeur. Choses qui n'ont pas d'intérêt ou qu'on accorde point d'attention. C'est pas ça le sens voulu par l'auteur. Certains savants, comme Cheikh Abdelrazak, disent le sens voulu par l'auteur, c'est ce qui est zahir, apparent. C'est la chose apparente, c'est ça, al-zahir. Comme s'il veut dire que le tawhid, selon l'aspect, a un aspect, il va mettre en évidence l'aspect apparent du tawhid. Dans ce sens-là. Mais certains savants quand même disent, l'utilisation de ce terme, même si ce n'est pas dans le sens familier qu'on a dit précédemment, concernant les questions de tawhid, ils disent, fiha nadhar, il y a réflexion à avoir sur ça, et remarque sur ça. Al-Muhim, donc, l'auteur dit غَيْرَ أَنَّ التَّوْحِيدَ لَهُ قِشْرَانَ وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هُنَا أَنَّ التَّوْحِيدَ عَلَى ثَلَثْ دَرَجَاتِ. Et l'auteur, pourquoi il cite cela? Ce passage-là, ici, il va sous-entendre. Ici, ce qu'il faudra comprendre, et c'est très pertinent l'enseignement, c'est que dans l'unicité, il y a des degrés. Il y a des degrés. Pour cela que certains savants dans l'explication, ils ont dit Darajatul Ula, le premier degré dans la pratique de l'unicité, Darajatul Amma, le degré de la masse, les gens de la masse. Al-amma, les gens du commun. Wa huwa nutq bi la ilaha illallah. C'est ceux qui vont prononcer la shahada. Ceux qui vont prononcer la shahada. Ils vont dire, professer, proclamer la ilaha illallah. Donc ils professent et proclament la shahada. Donc ils proclament qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah. La ilaha illallah. فإذا نطق بها العبد صار موحدا ودخل في الإسلام وحققها بالأعمال الصالحة صار موحدا ظاهرا وباطنا فإذا قالها معتقدا لها بقلبه وصدقها بالأعمال والطاعات فهو موحد ظاهرا وباطنا وإن قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه فهو منافق فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويتظاهرون بالإسلام فهم مسلمون في الظاهر ولكنهم كفار في الباطن لأنهم لم يعتقدوا معناها ولم يعملوا بمقتضاها وإنما يقولونها من أجل أن يستتروا بها. Donc le premier degré ici cité, c'est le degré de la masse, les gens de la masse, al-amma, de manière générale. C'est ceux qui professent, comme on l'a dit précédemment, qui disent, qui témoignent, la ilaha illallah. Alors, les savants disent, à partir du moment que le serviteur témoigne et dit, la ilaha illallah, sara muwahidan. C'est un monothéiste. Wadakhala fil islam. Et de ce fait, il rentre dans l'islam. C'est pour cela qu'il est demandé à une personne qui veut se convertir à l'islam de témoigner, de dire la ilaha illallah. Et de témoigner que Mohammed est le messager d'Allah. Qalu wa in haqqaqaha bil a'mal as-salihati wa at-ta'at fa huwa muwahhidan dhahiran wa batinan. Et si ensuite il réalise cette attestation par les œuvres apparentes et non apparentes, alors c'est un muwahhid, c'est un monothéiste. Fa idha qalaha mu'taqidan laha bi qalbihi. Donc en résumé, si la personne témoigne, prononce cette parole, la ilaha illallah, avec la conviction du cœur, وَصَدَّقَهَا بِالْأَعْمَالِ وَالطَّاعَاتِ. Ensuite, il réalise cela, il confirme sa prononciation et son témoignage par les œuvres pieuses et les bonnes actions, alors c'est un monothéiste. Il devient par cela monothéiste. Contrairement à celui qui peut la prononcer d'une manière apparente, il va prononcer la ilaha illallah d'une manière apparente, mais au fond de lui, il n'a pas la croyance. Il ne confirme pas cette prononciation de la ilaha illallah par la croyance au fond de lui. Comme c'est le cas des hypocrites, ce qu'on appelle al-munafiqoun, souvent traduit par les hypocrites. Al-munafiqoun, d'une manière apparente, ils disaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à aujourd'hui, ils disent la ilaha illallah d'une manière apparente, mais au fond d'eux, leur croyance ne confirme pas cette prononciation de la langue. Donc cette prononciation n'a pas fait d'eux des croyants et des monothéistes. C'est pour cela que les savants insistent sur la croyance du cœur. Et ça, certains savants disent, donc celui qui va la prononcer et confirmer cette prononciation avec la croyance, alors il est monothéiste d'une manière générale. Sauf que des savants, ici, font une petite nuance, ou plutôt rajoutent un enseignement à ce moment précis du livre, c'est qu'il y a des degrés. Ça, c'est le degré des gens de la masse. Ce qu'il leur est demandé, c'est de prononcer la ilaha illallah et d'y accorder foi, d'être véridiques dans leur prononciation et de vrai dans le sens de cette attestation de la ilaha illallah. De ce fait, ils sont monothéistes. Mais il y a une catégorie de monothéistes qui ont atteint un plus haut degré. C'est ce que certains savants appellent maqam as-siddiqin. Maqam as-siddiqin. Le degré ou darajat al-siddiqin, le degré des véridiques. Le degré des véridiques. Certains aussi citent le degré maqam darajat al-muhsinin, ceux qui ont atteint al-ihsan. Donc les gens de la masse qui prononcent la ilaha illallah et que leur croyance dans leur cœur confirme leurs paroles, beaucoup de gens de la masse, cela suffit pour être monothéistes. Tant qu'ils ne contredisent pas leur attestation, la ilaha illallah, leur témoignage, par un acte de polythéisme, par du shirk. Sinon, ce n'est pas tout monothéiste, par exemple, qui va s'approfondir dans la mémorisation des textes concernant at-tawhid, dans l'apprentissage de tous les détaillés, dans la spécialisation de la réfutation des ambiguïtés et dans la connaissance de toutes les ambiguïtés, par exemple. Ça, ce n'est pas le degré de tout le monde. Donc, il y a différents degrés. Il y a maqam al-amma, darajat al-amma, le degré des gens de la masse, et puis maqam, un degré plus haut, ce que certains savants appellent maqam siddiqin ou darajat siddiqin. Là, le degré de siddiqin. Comme pour l'islam, ou l'iman, ou l'ihsan. Trois degrés. L'islam, on appelle ça le maratib al-thalatha, comme c'est venu dans le hadith de Jibril, célèbre, lorsque Jibril, alayhi salam, a interrogé le prophète, alayhi salam, au sujet de l'iman. Il l'a interrogé au sujet de l'islam d'abord, de l'iman et de l'ihsan. Et on avait appris que celui qui atteint le plus haut degré, qui est l'ihsan, il est forcément croyant. Il a forcément l'iman. Il est forcément mu'min. Mais ce n'est pas tout mu'min qui atteint le degré de l'iman qui a forcément atteint le degré de l'ihsan. Pourquoi ? Parce que l'ihsan, c'est ce qu'on appelle l'excellence. C'est le degré de l'excellence. أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. C'est que tu adores comme si Allah Azza wa Jal, comme si tu le voyais, et certes si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un haut degré. De sorte que on appelle ça al-muhsinun, al-muhsin, wa kul muhsin mu'min. Et toute personne, tout croyant qui a atteint le degré de al-ihsan, de l'excellence, il est mu'min. Mais ce n'est pas tout mu'min qui a forcément atteint le degré de al-ihsan, al-ihsan. Et certains savants, pour cela, ils disent fi maqam at-tawhid, dans le monothéisme, alors certains ont atteint un plus haut degré que d'autres. Comme c'est sous-entendu ici. Alors, lorsque l'auteur ensuite dit وَعْلَمْ أَنَا أَنْفَسَ أَعْمَلْ أَنْفَسَ الْأَعْمَلْ وَأَجَلَّهَا قَذْرًا تَوْحِيدُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَيْرَ أَنَّ التَّوْحِيدَ لَهُ قِشْرًا. La première chose, il dit أَنْ تَقُولَ بِلِسَانِكَ لَا إِلَهَا إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا يسمى هذا القول توحيدا. Alors le premier degré, c'est qu'il dit que tu le dises. Premier degré, ou plutôt il a ici le terme qu'il citait, c'est al-qishr. C'est une subdivision. La première chose que cite l'auteur, c'est de dire la ilaha illallah bilisanik, avec ta langue. وَيُسَمَّ هَذَا الْقَوْلِ. Et cette parole-là, il dit, s'appelle monothéisme. تَوْحِيدًا وَهُوَ مُنَاقِدَ التَّثْلِيثَ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ النَّصَارَى. Et cette parole, لا إله إلا الله, elle contredit التَّثْلِيث, qui est la traduction de la Trinité. Le fait de dire لا إله إلا الله, on ne peut pas croire en deux, ni en trois, ni à d'autres dieux, ni à plusieurs dieux. C'est la parole de monothéisme, tawhid, d'unicité. Les musulmans et les musulmanes ne croient qu'en un seul Seigneur. Un seul gère cet univers. Un seul octroie et pourvoit la subsistance de ses créatures. Un seul a donné vie et existence à ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le maître de l'univers. Ça, c'est la croyance des musulmans et des musulmanes, et c'est la croyance des premiers hommes. Des premiers hommes, depuis le père de l'humanité, comme on l'avait cité, Adam. Les premiers hommes, est-ce qu'ils adoraient plusieurs dieux, ou croyaient en plusieurs dieux, ou bien ils ne croyaient qu'en un seul dieu? Les premiers hommes sur terre ne croyaient qu'en un seul dieu, comme c'est rapporté depuis Adam, alayhi salam. Le père de l'humanité, Adam, était prophète, comme on l'avait appris dans une assise précédente. Adam, un jour, les compagnons ont demandé au prophète, est-ce que Adam était prophète? Et le prophète, ensemble, a dit, Naam. Et donc, les gens, il est rapporté qu'ils virent 10 siècles, ils ont vécu dans l'unicité. Pendant 10 siècles, les hommes étaient musulmans, d'une manière générale, dans le sens général, ils adoraient un seul Seigneur. À l'apparition, après 10 siècles, du polythéisme sur terre, Allah envoya le premier messager. Le premier messager, Nuh alayhi salam, avec la célèbre histoire, le prophète connu, le prophète Noé. Le prophète connu sous le nom de Noé, nous en Europe, qui est Nuh alayhi salam, avec la grande histoire du déluge. Lorsque Noé, Nuh, est monté sur l'arche, sa fille Natu Nuh, qu'on appelle en arabe Nuh. Donc cette histoire est relatée dans le Coran, comme l'histoire de Noé est relatée aussi dans des livres anciens et des écritures anciennes. Et ça, cette histoire de Noé, il est très important de la méditer. Il est très important de la lire. D'ailleurs, il y a une sourate dans le Coran qui a été dédiée à l'histoire de Noé, alayhi salam, ou à Noé, la sourate Noé. La sourate qui est justement appelée par le nom du prophète, sallam, la sourate de Nuh, le prophète, alayhi salam, le premier messager envoyé. Sinon, il y a d'autres passages dans le Coran, dans d'autres sourates, il y a la mention de l'histoire de Nuh. L'histoire de Nuh n'est pas évoquée seulement dans la sourate Nuh, dans le Coran. Sauf que la sourate Nuh est dédiée, justement, à l'histoire de Nuh. Allah Azzawajal nous informe au sujet de la prédication, de l'histoire de Nuh, de sa manière d'avoir appelé son peuple et de la réaction de son peuple face à l'appel du prophète et du premier messager Nuh alayhi salam. Sinon, l'histoire de Nuh est relatée aussi dans d'autres passages du Coran. Ensuite, il va y avoir le déluge. Pourquoi c'est très important? Parce que ce qu'on appelle Tufan, le déluge, ça marque une nouvelle période. Ça marque, comme on pourrait dire, un recommencement dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que le déluge, qu'est-ce qui s'est passé après le déluge? Quels étaient les êtres vivants, les êtres humains qui sont restés vivants? Pourquoi? Parce qu'avec le déluge, les grands théologiens, même les grands historiens ont fait des recherches, c'est un recommencement dans l'histoire de l'humanité. Et de là, de grands historiens, celui qui veut remonter dans l'histoire et étudier l'histoire de l'humanité, ne peuvent pas ignorer le déluge. Et d'ailleurs, le déluge qui s'est produit à l'époque de Nuh, alayhi salam, c'est un déluge qui n'a aucune comparaison. C'est un déluge qui ne se reproduira plus. Un déluge comme celui-ci, c'est un déluge incomparable. C'est pour ça que je vous conseille de lire dans l'histoire, dans le livre de l'exégèse de ces versets, l'histoire du déluge, et ensuite les êtres vivants qui ont été épargnés avec le prophète Nuh alayhi as-salam. Qala thumma qala wa hada at-tawhid يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره أو يخالف سره جهره. Et il dit, cette parole-là, cette parole qu'on appelle la parole de l'unicité, elle peut provenir aussi, comme on l'a dit précédemment, d'une personne qu'on nomme munafiq. Munafiq, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la traduction de l'hypocrite. L'hypocrite. Mais dans les textes religieux, lorsqu'il est dit hypocrite, ce n'est pas le sens d'hypocrite que nous, on connaît et qui est familier pour nous. Dans le sens, une personne qui a plusieurs visages. Il vient avec un visage et des paroles devant certaines personnes et avec un autre visage. Une personne qui a plusieurs discours, etc. L'hypocrite, avec nos termes familiers à nous. L'hypocrite dans les textes religieux, manière religieuse, c'est comme on l'a dit précédemment, c'est défini comme celui d'une manière apparente qui va mettre en évidence la ilaha illallah, l'islam, mais au fond de lui, il n'a pas la croyance du cœur. Donc la définition dans les livres que vous pouvez retrouver, c'est « yudhiru l'islam wa yubtinu l'kufr ». Et c'est ça le sens des hypocrites qui sont cités dans le Coran. Et à Médine, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, justement, il y avait des gens qui, d'une manière apparente, accordaient foi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'ils rencontraient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, d'une manière apparente, ils faisaient croire qu'ils faisaient partie de ceux qui l'aimaient, qui accordaient foi à son message, qu'ils faisaient partie de ses compagnons, des gens qui l'appuyaient, l'assistaient, étaient sincères envers lui, mais au fond d'eux, ils cachaient de l'animosité et de l'antagonisme pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était réel et présent à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est connu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, lorsqu'il arriva à Médine, avec le temps, il connaissait. Le prophète lui savait. Est-ce que le prophète Azam connaissait les hypocrites des sincères? Le prophète Azam les savait. Pourquoi? Parce qu'il avait même donné la liste de gens à son époque qui étaient hypocrites à un compagnon, mais c'était un secret. Le prophète n'a pas voulu divulguer cela. Regardez. Le prophète n'a pas divulgué. Jusqu'à ce que même certains compagnons avaient peur de faire partie des hypocrites. En l'occurrence, le deuxième calife, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, malgré son rang, proche du prophète, sallam, il deviendra plus tard le deuxième calife, Al-Farouq. Il est dit que lorsqu'il prenait un chemin, Shaitan, le diable, lui-même prenait un autre chemin. C'est le deuxième meilleur homme de la nation, des musulmans, après Abu Bakr. Et bien, malgré cela, Omar avait peur, craignait pour lui d'être un hypocrite. Personne n'est à l'abri. C'est pour cela que les savants, dans une belle parole, ils disent « Les seuls qui se sentent à l'abri de l'hypocrisie, ce sont les hypocrites. » Le croyant ne se sent pas à l'abri de l'hypocrisie. Personne n'est à l'abri du stratagème de Makrallah Azza wa Jal. Les seuls qui se sentent à l'abri du stratagème d'Allah Azza wa Jal, ce sont Al-Munafiqoun. Mais lui, le croyant, lui se sent jamais à l'abri. Il se sent jamais, il pense que lui, il est sauvé. C'est fini. De toute manière, il est sauvé. Mais toujours, il a cette crainte. Il a cette crainte en lui. C'est pour cela que Omar ibn Khattab et comme d'autres compagnons, ils craignaient pour eux-mêmes an-nifaq, l'hypocrisie. De ce fait, nous, à plus forte raison, nous, à notre époque, il faut avoir peur. Il faut avoir une crainte. De ne pas être sincère, par exemple, dans son culte. De ne pas être sincère avec son Seigneur. Dans tous les cas ici, l'auteur fait un rappel sur l'importance de la prononciation de la ilaha illallah et de la croyance du cœur. Que c'est deux choses qui sont indissociables. C'est deux choses très importantes. La prononciation et la croyance. C'est pour cela que le premier pilier de l'islam, on appelle ça shahada. c'est shahadatan. Ça comprend deux témoignages. C'est le premier pilier de l'islam. Avant de prier, on témoigne qu'il y a nul adorer véritable si c'est Allah, nul seigneur si c'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Ça, c'est la testation de foi. Et c'est pour ça que lorsqu'une personne embrasse et veut se convertir à l'islam, il suffit pour entrer dans l'islam de prononcer cette attestation de foi. Et donc, cette attestation de foi, elle est appelée témoignage. En arabe, shahada, c'est un témoignage. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on témoigne d'une chose, ça veut dire que cette chose, on en a la conviction dans le cœur. On a la conviction d'une chose dans le cœur. Si, par exemple, une personne est appelée à témoigner d'une chose, et lui témoigne d'une manière apparente, avec sa langue, mais dans son cœur, il n'a pas la croyance. Il ne croit pas en ce qu'il témoigne. Alors on dit que sa parole n'est que mensonge. Si par exemple une personne est demandée, est appelée à témoigner devant un juge, contre une personne par exemple qui aurait volé telle et telle chose, ou commis un crime. Si la personne vient témoigner devant un juge, il témoigne en disant qu'il a assisté à la scène, qu'il a vu telle et telle chose. Si il est véridique, donc il fait un témoignage, dans son cœur, il sait qu'il est véridique. Il croit en ce qu'il dit. Il a vu, il a assisté. Si par exemple il témoigne, mais dans son cœur il n'y croit pas, parce qu'en réalité il n'a pas vu, il n'a pas assisté, ça veut dire qu'en réalité son témoignage est mensonge. Pourquoi les savants, les grands théologiens insistent sur cela? C'est pour aussi, ça nous répond à une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi il faille la dire cette parole? La ilaha illallah. Une personne, par exemple, lorsqu'elle veut se convertir à l'islam, on lui demande de dire la ilaha illallah. Parce que c'est un témoignage. Dans le sens que le musulman ou la musulmane, le croyant, ne peut pas garder cette attestation pour lui. Dans le sens, il l'a dit dans son cœur, mais il ne la prononce pas. Le musulman doit la prononcer. Il dit la ilaha illallah. Il la prononce, cette attestation. Et son cœur a la conviction. Et c'est comme cela qu'on réalise le monothéisme. Ensuite, l'auteur, dans la deuxième catégorie, il a cité Al-Qishr Al-Awwal, et dans la deuxième catégorie, il dit Ala yakuna, il va justement expliciter cela en disant Al-Qishr Thani, Ala yakuna fil qalbi mukhalafa, wala inkar li mafhumi hadha al-qawl. Il dit, et qu'il n'y ait point dans le cœur, donc du croyant, regardez, c'est la deuxième chose qu'il cite, avec le terme qishr qu'on a cité précédemment, mais qui en réalité, à ce moment bien précis de l'œuvre et du livre, le terme ne convient pas avec le sujet, comme le stipule l'éthologia. Le terme en arabe ne convient pas, malgré que l'auteur, ce n'est pas le sens familier de qishr qu'il sous-entend et qu'il voulait. Mais le terme ne se souvient pas, pour cela on dit la deuxième catégorie. Il dit qu'il n'y ait point dans le cœur du croyant de contradiction. En ce qui concerne la parole « La ilaha illallah ». C'est comme on l'a cité précédemment, il insiste bien sûr l'importance du cœur. Donc ce n'est pas juste une parole qu'on dit avec la langue, mais c'est une parole aussi dont le sens est présent dans le cœur avec la conviction. قال بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به. Mais il dit au contraire dans le cœur il y a aussi bien la conviction et aussi bien la croyance. La croyance en la véracité de cette parole. وهذا هو توحيد عامة الناس. Et c'est là qu'il dit et ça c'est le monothéisme de la majorité des gens. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de degrés. On a parlé de degrés. Regardez, l'auteur le stipule bien. Il dit, ce qu'on vient de citer, c'est le monothéisme de la majorité des gens. C'est-à-dire que il n'est pas demandé à un musulman, pour être monothéiste, de forcément connaître tous les détaillés, connaître toutes les ambiguïtés, de mémoriser tous les écrits sur cela. Il suffit qu'ils disent La ilaha illallah, qu'ils croient en un Seigneur unique et qu'ils lui voient adoration. Enfin, wa muwahhid. Il est monothéiste. Sauf que il y a des gens ensuite qui vont être théologiens ou talabat al-ilm ou des gens qui vont s'approfondir, même s'ils ne sont pas savants, même s'ils ne sont pas érudits, même s'ils ne sont pas des grands étudiants dans le domaine, mais des gens qui vont approfondir leurs connaissances dans le monothéisme de sorte à atteindre un degré plus haut. Regardez l'auteur, c'est ce qu'il cite. Il dit « وَهَدَ وَتَصْدِقْ عَمَّةَ النَّاسِ » Regardez, lorsqu'il a parlé de la prononciation de « La ilaha illallah » et de la conviction du cœur, à partir du moment qu'on la prononce, on a la conviction du cœur, il dit « ça c'est le monothéisme de la masse, de sorte les gens sont monothéistes en croyant en cela, ils croient en un Seigneur unique. » Mais regardez ce qu'il va dire. « وَلُبَابُ التَّوْحِيدِ » C'est très pertinent. Là, il a cité donc le monothéisme de Ammat al-Nas. أن يتلفظوا بلا إله إلا الله ويعتقدون بمعنى لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله. هذا توحيد عامة الناس. لكن هناك لباب التوحيد. Donc après avoir cité l'unicité de la masse, des gens, là il va citer par contre le monothéisme. Il y a ce qu'on appelle le cœur du monothéisme. Là, il va citer un degré plus haut qu'on va citer après l'adhan. اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة محمد الوسادة والفضل أبعث محمد الذي وعدته. إذا نواصل الكلام. إذا قال المؤلف رحمه الله وتعالى ألا وهو الإمام المقريزي رحمة الله عليه قال ولباب التوحيد أن ترى الأمور كلها لله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرد بها ولا يعبد غيره قال رحمه الله ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى فكل من اتبع هوى فقد اتخذ هواه معبودا كما قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى قال وَإِذَا تَأَمَّلْتَ عَرَفْتَ أَنَّ عَابِدَ صَنَمْ لَمْ يَعْبُدْهُ وَإِنَّمَا عَبَدَ هَوَى وَهُوَ مَيْلْ نَفْسِهِ إِلَى دِينَ آبَائِهِ فَيَتَّبِعْ ذَلِكَ الْمَيْلِ. Alors l'auteur, regardez ce qu'il dit. Ensuite il dit لُبَابَ التَّوْحِيدِ أَنْ يَرَى الْأُمُرْ كُلَّهَ لِلَّهِ تَعَالَى. لُبَابَ التَّوْحِيدِ, comme on a dit donc, l'auteur fait allusion au monothéisme d'une manière générale, ce qu'on appelle l'ijmal. L'ijmal, la généralité, de croire au monothéisme d'une manière générale, et ça c'est le degré des gens de la masse. C'est le degré. Ensuite il dit, il y a ce qu'on appelle l'ubab tawhid, maintenant le cœur du monothéisme. Malgré que certains savants contemporains disent ces termes-là par rapport au tawhid fi hanazar. Malgré tout. Mais, là il dit, l'ubab tawhid, le cœur du tawhid, c'est que tu vois toutes les choses provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala et en aucun cas tu te tournes vers al-wasait, les causes et les intermédiaires. Qal al-ulama, l'ubab tawhid, had al-qism al-thalif, c'est cette catégorie-là, ils disent, c'est la catégorie des ulama, des savants. وأهل العلم قال العلماء لباب التوحيد بمعنى توحيد أهل العلم وأهل البصيرة فهو توحيد مفصل فهو توحيد مفصل فالتوحيد درجتان. Donc il dit ce degré là c'est le توحيد des ulama. Les توحيد, le monothéisme, c'est la croyance des gens de science. Et comme il a dit أهل البصيرة, ceux qui détiennent la clairvoyance. De sorte que les savants disent, de là, certains ont déduit que Tawhid, ils ont cité deux catégories. Ils donnent, de ce fait, ils ont cité deux catégories de monothéisme. Fawa Tawhid, Darajat, ou plutôt différents degrés. Il y a le degré de Tawhid des gens de la masse. Des gens de la masse, c'est Tawhid al-Mujmal, ce qu'on appelle Tawhid, l'unicité de manière générale. Et ensuite, il y a l'Ubab al-Tawhid, Tawhid al-Mufassal, ceux alladina ta'ammaqu fi hadha al-ilm, wa ta'allamu hadha al-ilm, wa ta'ammaqu fi fahmi la ilaha illallah, wa tafasil hadhihi al-masail, al-masail allati tata'allaq bi la ilaha illallah, bi hadhihi al-shahada, wa bi shahadataini. فمن تعمق في هذا وتعلم هذه المسائل حتى فهم هذا الموضوع بدقة حتى تعمق في الموضوع بأنه تعلم الشبهات حول هذا الموضوع فهو من أهل العلم فهو من العلماء وأهل البصيرة وهذه الدرجة هي قال العلماء و قصدهم الشيخ هنا مؤلف الكتاب الإمام المقريزي فهو كان مصري الإمام المقريزي كان إمام علامة من مصر فقال في كتابي وهو لباب التوحيد وهو يقصد على فهم كلام العلماء وشراح هذا الكلام ويقصد درجات العلماء ولذلك قال العلماء والثالث توحيد أهل العلم وأهل البصيرة فهو توحيد مفصل. توحيد مفصل. Ceux qui ont une connaissance détaillée. Ils se sont approfondis sur le sujet. On a des gens qui croient au monothéisme d'une manière générale. Ils prononcent la ilaha illallah. Ils œuvrent dans le sens. Ils ont la conviction du cœur. Haoula ammat an-nas. Alhamdoulilah, ils sont monothéistes. Mais il y a des gens qui ont donné plus. Ta'ammaqu fi hadha al-maydan. Ils se sont vraiment approfondis dans cela. Ils ont approfondi leur connaissance de cela. Et donc, ils ont abouti à une pratique et à un degré que d'autres n'ont pas. Comme on a dit tout à l'heure, comme le degré de al-muhsinin. Al-islam, ou al-iman, ou al-ihsan. فكل محسن مؤمن toute personne qui a atteint le degré de l'Ihsan, qui est le degré de l'excellence, il est mu'min. Mais ce n'est pas tout mu'min qui est muhsin. Al-muhsin, c'est celui qui a atteint le degré de l'excellence. Il adore Allah, lui, comme s'il le voit. Il adore son créateur comme s'il le voit. Lorsqu'il prie, c'est comme s'il voit Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne le voit pas, il a toujours ce rappel en lui. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ça, c'est le degré de Al-Muhsinin. C'est le degré de ceux qui ont atteint Al-Ihsan. Et donc ici, l'auteur, lorsqu'il dit Lubab Tawhid, les savants, certains savants disent, ici, il y a un sous-entendu sur ceux vraiment qui ont atteint des degrés dans la connaissance du Tawhid. C'est pour ça que vous avez vu dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 70 000 de cette nation rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. 70 000. Men haoula. Tellement que cette information qu'a donnée le prophète aux compagnons, elle était immense. Had al-khabar, khabarun azim. Tellement que c'était immense, les compagnons commençaient à débattre. Mais qui sont ces gens ? 70 000 de la nation, eux, rentreront au paradis directement. Vous savez, sans jugement, c'est-à-dire bila hisab wala adab, il n'y a pas la pesée des œuvres. Dukhul al-jannah bi ghayri hisabin wala adab. C'est pour ça que même l'auteur du livre de l'unicité a dédié un chapitre. Chapitre man dakhala al-jannata bi ghayri hisabin wala adab. C'est qui rentre bi ghayri hisabin wala adab? Les compagnons ont débattu. Certains ont dit ce sont ceux qui sont nés dans l'islam. D'autres compagnons, ils ont dit, non, c'est ceux qui ont accompagné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils ont commencé à émettre des hypothèses et débattre entre eux. Mais qui sont-ils, ces gens-là? Et là, le prophète, sallallahu leur dit, humul ladhina la yastalqoun, wa la yaktawoun, wa la yatatayyaroun, wa ala rabbihim yatawakkaloun. Al-tawhid. Ce sont les gens qui ont atteint un degré de monothéisme. Regardez. Ni ils demandent aux gens de leur faire ruqya. C'est pas interdit qu'on nous fasse ruqya. Mais eux vont pas le demander. Pourquoi? Parce que kamal tawhid, c'est de pas demander. Wala yaktawun, c'est la guérison par, on appelle ça la cautérisation, si je me trompe pas. La cautérisation en français. Les savants disent c'est pas haram, c'est pas interdit, mais c'est dans le sens, ils la demandent pas. Si quelqu'un vient te la faire, t'as le droit. Mais, Kamal al-Tawhid, ils ont tellement une complétude du Tawhid qu'ils ne demandent pas. Wala yatatayyaroun. Ils ne croient pas aux superstitions. At-tuyur. At-tayara. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait le hadith dit At-tayara tu shirk. At-tayara tu shirk. Ils ne croient pas au mauvais augure. Le mauvais augure. Ils ne sont pas superstitieux ni croient au mauvais augure. Wa qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Wa ala rabbihim yatawakkaloun. Et ils ont une pleine confiance en Allah azza wa jal. Wow. Pour terminer, regardez. C'est pour ça que l'auteur, regardez ce qu'il dit. Lubab al-Tawhid, an yara al-umura kullaha lillahi ta'ala. Celui qui va atteindre le degré, une croyance vraiment, un degré haut de croyance et de monothéisme, ensuite tout ce qui se passe dans cet univers, il sait que ça provient d'Allah. T'y peux rien. C'est le qadar. Vous savez, pour terminer une faïda, le qadr, c'est le sixième pilier de l'islam. Celui qui mécroit en qadr, mais qui croit en la seigneurie d'Allah. Il est monothéiste, il croit en la seigneurie d'Allah, il adore Allah. Mais le mécroit en qadr, ça annule tout son monothéisme. Mécroire en la prédestinée au décret d'Allah, les savants disent, ça annule. Yunaqid al-tawhid. Pourquoi? Parce que al-qadr nidham al-tawhid. Comme a dit Ibn Abbas. Parce que la croyance en la prédestinée, c'est le règlement, Nizam, le Tawhid est régi sur cela. Tout ce qui se passe dans cet univers provient d'Allah. Pourquoi Allah a donné la force à tel peuple, la suprématie à tel peuple? Pourquoi il l'a enlevé à tel peuple? Alors que si vous lisez l'histoire, ça tourne. Hakada. Allah fait ce qu'il veut. Et lui, le croyant, il en est soumis. Ce qui se passe dans notre vie, des choses qu'on ne maîtrise pas, on est soumis. Pourquoi un tel est en bonne santé et un tel est malade? Pourquoi un tel est riche et un tel n'est pas riche? Lash al-sabab. Allahu a'lam. Allah qaddara hadha. Wallahu a'lam. Je suis désolé, on a retardé 3 minutes salat al-Isha. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.